marine en verre de gris. J'aime pas les cons qui se la pètent en Jaguar ou en mobilette. J'aime pas les cons de la République avec leur bite en forme de tric. J'aime pas les cons chasse tradition avec leurs couilles dans le carafon. J'aime pas les cons philosophiques en BHL soporifique. J'aime pas les cons du PSG en mode nazi au crâne rasé. J'aime pas les cons, les gros blaireaux autour de France, des petits vélos. J'aime pas les cons Paris-Dakar, automoto et gros camtar. J'aime pas les cons françaises des bœufs, grattage débile et tête de nœud. J'aime pas les cons dimanche dans leur BM bien astiqué. J'aime pas les cons Front National, les verts de gris en général. J'aime pas les cons, les gros machos, leur bite à la place du cerveau. J'aime pas les cons. J'aime pas les cons. J'aime pas les cons. Les punk fashion vintage sortis tout droit des magazines. Les révoltés du samedi soir qui se lâchent un peu surtout pour boire. J'aime pas les punks de L'Oréal sortis tout droit du carnaval. Pogo bourrin, pogo macho et pendant la gueule à Margot. J'aime pas les punks tendance facho qui se font passer pour des abos. Crachant sur les femmes voilées pour une question d'identité. J'aime pas les punks qui cognent leur chien à coups de rangers dans le bas des reins. Ils suivent la mode de la transhumance, ils se déguisent, ils sont tendance. J'aime pas les punks plécheurs de cul dans le genre Satan et petit Jésus. Pour une télé, la fellation, pour un peu de coke, c'est mon rocon. J'aime pas les punks vendeurs de mort, un peu de ch'touffe, des couilles en or. Il est des nôtres, c'est un camé, c'est nos futurs, il va crever. J'aime pas les punks. J'aime pas les punks. J'aime pas les punks.